Radio Banco. C'est la grâce matinale de Radio Banco avec Souk. Soukoline. Je m'appelle Soukoline. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle grâce matinale. J'espère que vous avez bien dormi, que vous allez bien, que vous n'avez pas trop de gueule de bois et que vous êtes prêts à affronter cette journée difficile. On commence par une chanson qui va bien évidemment vous mettre de bonne humeur ou de mauvaise humeur, je ne sais pas, ça dépendra de vos goûts. Et puis bien, on se retrouve juste après. Vous êtes toujours sur la radio des bons cons, c'est la grâce matinale, alors j'espère que cette chanson vous aura plu. On va partir sur quelque chose d'un peu plus sérieux maintenant. On a reçu un message de quelqu'un qui se trouve dans une période assez compliquée, comme nous tous, mais quelqu'un qui nous a décrit en fait son ressenti avec ses mots à lui. Je vous laisse découvrir ça. Lettre du confinement. Nantes, jour 62. Cher bon con, la vie est dure en confinement. Je ne suis pas certain de sortir indemne de cette réclusion contrainte. Je sens déjà les séquelles irréversibles du trauma psychique lié à mon désœuvrement. C'est donc avec le cœur lourd que je me dois d'expier ces moments de doutes existentiels.

l'adresse. Et de l'amour plus qu'il en faut. Plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, non. C'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses. Mes faiblesses. Que j'avoue qu'à demi-mot. Qu'à demi-mot. Il faut pas mes maladresses. De l'amour plus qu'il en faut. Plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Oh, oh. C'était Natacha Saint-Pierre, bien sûr, vous avez reconnu. Je me suis permise de diffuser mon nouveau single. Alors, vous êtes peut-être au courant, mais j'ai fait la rencontre de Bradley Cooper et Lady Gaga pendant ce confinement, qui sont venus chez moi dans mon studio, parce qu'en fait, ils ont eu un gros coup de cœur sur le shallowhoops.mp3. Et du coup, en fait, ils m'ont donné beaucoup de conseils. Et je trouve que cette chanson est plutôt pas mal pour vous montrer mon évolution, parce que la première partie, je l'ai enregistrée toute seule, avec mon talent naturel. Et la fin de la chanson, vous avez pu entendre que c'était un petit peu mieux parce que Bradley et Lady m'ont montré plusieurs trucs. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire un moins de bruit, s'il vous plaît? Alors excusez-moi, ils sont avec moi dans le studio. Ils sont hyper sympas, hein, en tout cas. Je suis hyper contente de les avoir rencontrés. Mais j'enregistre, putain. Ok. Oh, right. Bah non, mais casse-toi. Bon, on va passer au point astro hein, de Chloé. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que les astres vous ont prévu pour ce samedi 11 avril 2020 ? Bélier, il serait peut-être temps de faire un petit reluxing. Vous avez une sacrée gueule de cul. Taureau, méfiez-vous de cet homme chauve et totalement nu qui vous regarde dormir toutes les nuits. Il ne vous veut pas que du bien. Gémeaux, d'anciennes émotions jaillissent. Ce sont elles qui vous empêchent de vous détendre nerveusement parlant. Évacuez-les en frappant votre conjoint et vos enfants. Vous en ressortirez plus fort. Cancer. Les 4 tartines de Nutella que vous avez mangées ce matin ne vont pas calmer votre occlusion intestinale. Lion. Vous pensez que vos proches vous veulent du mal. Et vous avez raison. Restez chez vous et surtout gardez ce AK-47 à portée de main. Vierge. Bravo les vierges. Vos efforts ont payé. Vous êtes en forme et ça se voit. Votre ventre n'a jamais été aussi plat, votre confiance est au maximum, mais vous n'auriez quand même pas à peu près du cul ? Balance, la voix qui vous chuchote « tuer, tuer, il faut tuer » a peut-être raison après tout. Scorpion, bite au cul disait la baronne en voyant les couilles du baron, je préfère les voir dans mon cul que de les voir traîner dans la rue. Sagittaire, Pluton est en bélier, c'est une période propice pour parler de votre kyste pilonidale à votre médecin. Capricorne, vous puez de la gueule et c'est atroce. Faites quelque chose avant que les astres ne se retournent contre vous. N'avez-vous donc pas appris de vos erreurs passées ? Verseau, Uranus est en poisson, Vénus a un fort impact sur vos émotions et le soleil est conjoint avec la lune. Il est donc temps de changer de slip. Poisson, cette lettre des impôts que vous avez laissée pourrir sur le meuble de l'entrée n'est peut-être pas un mauvais présage. Prenez votre courage à deux mains. C'était votre horoscope du samedi 11 avril 2020. Merci beaucoup Chloé. Bon bah j'ai dû jarter Bradley Cooper et Lady Gaga chez moi, ils faisaient que de foutre le bordel comme quoi. Hein. Bradley, quel enculé celui-là. On passe à la chronique de Madame Mona. Bon compte du samedi, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me fait bien rigoler, j'ai nommé les fanfictions. Je vais expliquer un peu ce que c'est pour les bons vieux cons qui dorment dans le fond. Une fanfiction, ou fanfic pour les intimes, c'est, selon Wikipédia, un récit que certains fans écrivent pour prolonger un produit médiatique qu'ils affectionnent, qu'il s'agisse d'un roman, d'un manga, d'une série télévisée, d'un film ou encore d'une célébrité. En gros, ce sont des fans, souvent de jeunes gens en fleurs à l'écriture hasardeuse, qui réécrivent des histoires qu'ils aiment à leur sauce, ou qui inventent leurs rencontres et leurs romances avec leur idole, ou encore qui inventent des relations entre des personnages de diverses fictions. Bref, c'est très large, et ça donne lieu à du grand n'importe quoi pour notre plus grand plaisir. Au cours de cette immersion en terre fanfic, je me suis rendu compte que la tendance était à la K-pop et à Nekfeu, et à Harry Potter aussi, mais ça on en reparlera plus tard. Alors les bons vieux cons risquent de me demander « Mais qu'est-ce que c'est ton truc là, la K-pop ?» Eh bien, la K-pop, c'est une musique de synthèse accompagnée de chorégraphies calibrées au millimètre, portées par des chanteurs séduisants à la pointe de la mode. C'est souvent des boys bands, quoi. Ce qui explique leur omniprésence dans le milieu des fanfictions. Il fut un temps, c'était les One Direction ou Tokyo Hotel ou encore Justin Bieber qui étaient à l'honneur, mais il faut croire qu'ils n'ont plus vraiment le vent en poupe. Je fais une petite pause ici pour vous laisser le temps de savourer pleinement l'existence du mot « poupe » dans la langue française, parce qu'il est vraiment trop mignon. C'est bon ? On reprend. J'ai donc constaté que la K-pop était à l'honneur, et que les écrivains et écrivaines en herbe n'avaient pas perdu leur temps, car déjà florissent les fanfics de type « confiné avec mon groupe de K-pop préféré »,« confiné avec eux », etc. Mais comme je m'y connais pas trop en K-pop, j'ai poussé mes recherches un peu plus loin, et avec un simple mot-clé, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Pour que vous compreniez de quoi je parle, je vais vous lire un petit passage d'une de ces stupéfiantes fanfics. Emma Emma 498 nous y raconte l'histoire d'Alexia, une jeune femme qui vient de Russie. Je m'aventure dans les boutiques des Champs-Élysées. Mais dans une boutique, je vis quelqu'un qui me plut très rapidement. Il se retourna et sourit quand il a vu que je le matais. « Bonjour, madame, » dit-il. « Hi. Do you speak French ?»« No, I am Russian. »« Ok. You are very beautiful. Thank you. Do you want drink with me ?»« Yes. » dis-je en rougissant. « What's your name ?»« Alexia. And you ?»« Emmanuel Macron. » Alors oui, cher auditeur, il y a des fanfics sur Emmanuel Macron, figure-toi. Et des torrides. Je ne peux donc pas m'empêcher de partager avec vous mes différentes trouvailles. La fanfic « Un amour interdit », écrite par Sorcier Rouge, par exemple, dont voici le résumé. Eh oui, les politiciens sont humains et ont parfois même des sentiments. Et c'est le cas de Benoît Hamon, jeune député éprouvant de l'amour à l'égard du brillant Emmanuel Macron, qui lui est tant convoité par le Premier ministre Manuel Valls. Un triangle amoureux bien difficile à gérer et à cacher aux médias. Mais à qui, de Manuel ou Benoît, Emmanuel Macron offrira-t-il son cœur ? Et il y en a plein comme ça ! Il y en a même une qui raconte, je cite, « L'amour interdit entre Brigitte Macron et Paul Pogba ». C'est vraiment n'importe quoi ! Et il n'y a pas que des romances, il y a aussi du fantastique. Écoutez un peu le résumé de celle-là. Depuis des millénaires, une guerre secrète fait rage entre les vampires et les loups-garous. La France est en proie à un jeu de pouvoir incessant entre le haut comte Mélenchon et l'alpha Le Pen. Nourrissant une haine mutuelle envers les autres peuples, ces deux pires ennemis vont soudain faire face à un danger bien plus grand encore, qu'ils n'avaient pas affronté depuis longtemps. Les démons. Sarkozy, prince des ténèbres, a réussi à créer la race suprême, celle qui détruira les anciennes. Plus forte, plus charismatique, plus jeune et dynamique. Un hybride mi-lycanthrope, mi-vampirique répondant au nom d'Emmanuel Macron. Entre haine, amitié, amour et action, comment nos héros vont faire face à la menace démoniaque et à éviter l'annihilation totale ? Oh wow ! Ça ferait un sacré blockbuster ! Et il y en a une autre, dans le genre tout pété, qui m'a interpellée parce qu'elle parle de RuPaul. Quel rapport avec Macron, me direz-vous ? Eh bien, je vous laisse le découvrir avec ce résumé. RuPaul est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Elle a décidé de faire revenir ses drag queens de la saison 6 préférée pour une saison spéciale où vous retrouverez aussi ce cher Emmanuel Macron, mais aussi Peppa Pig, Steve Rogers, ainsi que le fameux Tony Stark. Mais ça n'a aucun sens ! Celle-là m'a vraiment laissé comme de ronds de flanc, alors je me suis dit que j'en avais fini avec les fanfics sur Macron. Je suis donc repartie en quête de nouveaux sujets. J'ai vu pas mal de fanfics avec Justin Trudeau au passage. On dirait bien qu'il a la cote. Et j'en ai aussi vu plusieurs sur les youtubeurs, dont une où une jeune fille se fait enlever et frapper par Norman Tavo, aka Norman fait des vidéos. Et spoiler alerte, elle est sauvée par Squeezie. Mais alors, de toutes les étranges choses que j'ai lues pour les besoins de cette chronique, ma fanfic préf, c'est un crossover ambitieux entre Doctor Who, pour les bons vieux cons qui dorment dans le fond encore, Doctor Who, c'est une série avec un mec qui voyage dans le temps et dans l'espace. Je disais donc, un crossover ambitieux entre Doctor Who et Stéphane Bern. Oui, oui, notre bon vieux Stéphane Bern national, qui apparemment, en sa qualité de présentateur de secrets d'histoire, a tout à fait sa place dans le monde de Doctor Who. Et donc, ça raconte l'histoire d'une assistante du docteur qui forme le club des détectives de l'histoire, constitué ni plus ni moins de Georges Danton, Camille Desmoulins et Stéphane Bern. Une bonne grosse team de choc, donc. Ces auteurs de fanfic écrivent mal, mais ils ont le mérite de me surprendre à tous les coups. Pour finir, je voulais vous parler d'une dernière fanfic, un peu hors catégorie, car ce n'est pas l'œuvre d'un adolescent confus, mais l'œuvre d'une mère de famille conservatrice chrétienne, qui a entrepris de réécrire tous les Harry Potter, mais en version chrétienne, l'œuvre d'origine étant, selon les exorcistes du Vatican, l'œuvre du diable. Alors, je sais que je lis déjà Harry Potter pendant les lectures nocturnes et que ça peut s'avérer un peu redondant, mais dans le domaine des fanfics, Harry Potter est incontournable car c'est le livre le plus utilisé par les jeunes auteurs. En plus, celle-ci est particulièrement ridicule. Alors voici un bout du premier chapitre. Il était une fois un petit garçon nommé Harry Potter qui vivait sous les escaliers d'une maison de private drive avec son oncle et sa tante. Il était gentil, obéissant et faisait toutes ses corvées, mais il sentait que quelque chose manquait dans sa vie. Quelque chose de grand et de spécial, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Il restait éveillé toutes les nuits en y pensant. C'est alors qu'un jour, quelqu'un frappa à sa porte et tout changea. « Ouvre la porte, Harry !» beugla sa tante Pétunia, une femme carriériste, depuis son fauteuil sur lequel elle était assise, les pieds en éventail. Elle avait de courts cheveux blonds bouclés et ne se maquillait jamais. Oncle Vernon, quant à lui, était occupé dans la cuisine et hocha timidement la tête en mettant ses brownies au chocolat au four. N'était-ce pas à elle de faire ça ? Pensa Harry. Mais comme il était un jeune garçon très obéissant, il alla ouvrir la porte immédiatement. Il tourna la poignée métallique et ouvrit ainsi la lourde porte en bois. Sur le porche se tenait un homme aux allures de géant, à l'imposante musculature et doté d'une barbe très virile. Il était habillé d'une chemise rouge à carreaux, d'un jean et de solides bottes de cuir. Son torse était recouvert d'une épaisse toison de poils bruns emmêlés les uns aux autres. Il portait également un collier avec un pendentif qui parut être à Harry la lettre T en minuscule. En le regardant, Harry se sentit heureux, en paix avec lui-même, sans pouvoir expliquer la raison. « Bonjour, gamin !» salua amicalement le géant, tout en lui souriant. Il avait un visage détendu et chaleureux qui vous mettait tout de suite en confiance. « Je m'appelle Hagrid. Je pourrais parler à ta maman et à ton papa ?»« Je n'ai ni maman ni papa, » répondit tristement Harry en regardant ses vieilles guenilles qui furent autrefois bleues. Peut-être était-ce d'ailleurs pour cette raison qu'il se sentait si seul, pensa-t-il une nouvelle fois. Peut-être qu'il manquait d'une maman et d'un papa ? Non, ce n'était pas tout à fait vrai. « Je suis si désolée d'entendre ça, » répondit Hagrid plein d'empathie. « Vous pouvez parler à ma tati et mon oncle ?» rétorqua poliment Harry en clignant de ses grands yeux bleus d'enfant. « Que voulez-vous ? » glissa alors tante Pétunia en jetant un œil par la porte avec des petits yeux suspicieux. Elle était vêtue d'un pantalon de costume bouffant. « Bonjour, voisine. Je me demandais si vous aviez été sauvée. » s'exclama Hagrid plein d'entrain en inclinant son chapeau de paille. Tante Pétunia laissa échapper un rire graveleux en se penchant en avant dans ses bottines de travail. « Sauvé ? Ne me dites pas que vous êtes l'un de ces chrétiens !» Harry ne savait pas ce que signifiait ce mot, mais le sourire d'Hagrid était le plus paisible qu'il n'ait jamais vu. Ce sourire éclatant sur le visage amical de cet inconnu apporta à Harry chaleur et bonheur, si bien qu'il se sentit lumineux. Il se demanda pourquoi sa tante Pétunia et son oncle Vernon ne souriaient pas de la même façon. « Oui. » « Je le suis, » répondit gentiment Hagrid. « Et vous, l'êtes-vous ?» Tante Pétunia rit à nouveau en dirigeant son nez pointu vers le ciel. « Nous sommes trop intelligents pour ça. Vous avez lu Dawkins ? Dieu est mort. Dawkins l'a prouvé. Voulez-vous que nous vous apprenions ces théories ? Qu'est-ce que c'est, un chrétien ?» demanda innocemment Harry en tapotant du pied le vieux tapis jauni qui n'avait pas été aspiré depuis un certain temps. « Les chrétiens sont des personnes qui veulent être bonnes, » répondit sagement Hagrid. Il s'accroupit pour être au niveau des yeux de Harry. « Nous voulons aller au paradis après notre mort. Sais-tu ce que c'est, le paradis, Harry ? Harry secoua la tête. Ses yeux bleus étaient grands ouverts, pleins de curiosité. Le paradis, c'est un endroit merveilleux dans lequel nous pouvons être avec Dieu. Tante Pétunia claqua ses mains sur les oreilles du jeune Harry et répondit d'une voix mielleuse. « Merci beaucoup de votre attention, monsieur, mais il n'a pas besoin de votre religion. Il a la science, le socialisme, les anniversaires. N'avez-vous jamais entendu parler de l'évolution ? J'ai un très bon manuel d'éducation sur l'évolution que je pourrais vous donner si vous voulez apprendre des choses. » Hagrid rit alors sagement. « L'évolution, c'est un conte de fées. Vous n'y croyez pas réellement, si ?»« Bien sûr que si !» s'écria Tante Pétunia. « Bien, alors prouvez-le !» Tante Pétunia ne put que fixer Hagrid, sa bouche grande ouverte bêtement. La voici se pensant si intelligente, tellement pleine de savoir, elle qui demandait toujours aux chrétiens de lui donner la preuve de leur croyance, qui n'arrivait pas elle non plus à prouver sa propre croyance. C'est alors que Harry comprit qui était le plus intelligent des deux. « Dites-moi comment accéder au paradis ?» implora tristement Harry en joignant ses mains. « Parfois, la sagesse des plus jeunes est vraiment incroyable. Nous pensons, nous autres adultes, que nous savons tout sur tout. » Et c'est alors que Dieu parle à travers la bouche des enfants, nous montrant que nous sommes tous des mortels luttant tout au long du chemin de la vie. Leçon d'humilité. Tout ce que tu as à faire, c'est être sauvé. Veux-tu être sauvé ? Je le veux ! S'écria à nouveau Harry en sautillant sur place. Dans ce cas, prononce la prière du pécheur. Tante Pétunia tenta de l'arrêter, mais elle était démunie face à la pureté, l'innocence et la sainte énergie de Harry. Au moment où il dit la prière, Hagrid sourit de toutes ses dents. « Tu es un chrétien désormais, Harry !» s'émut Hagrid empli de fierté. Harry sourit puis s'interrogea. « Mais comment agir en chrétien ? Je ne sais pas comment faire !» Hagrid sourit de plus belle. « Il n'y a qu'un seul lieu pour apprendre ça. L'école des prières et des miracles de Poudlard. » « Et coupé !»« Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous lire. Donc notre excursion dans le monde surprenant des fanfics est maintenant terminée. Je vous rends l'antenne. À vous les studios. Merci Madame Mona. Nous allons faire une petite pause musicale avant de continuer cette grâce matinale. Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille qui était vraiment typique que tous les voisins appelaient Tiny Nanana. Mon Dieu, quelle histoire et quel ange quand elle t'a dit monsieur, essuyez-vous les pieds, vous serez bien gentil car j'aurai pas à repasser après vous. Mais oui madame. Les voisins qui t'avaient pris est venue, qu'elle était vraiment belle. Mon Dieu, quelle courbe, quelle allure. La première fois qu'elle t'a vu dans le patio. Pardon, monsieur, essuyez-vous les pieds comme ça. J'aurai pas à repasser la prochaine fois. Merci beaucoup, à demain soir. Vous êtes toujours sur Radio Bon Con, c'est la grâce matinale. Et on va tout de suite écouter une petite chronique réalisée par Madame Chloé. Une chronique histoire cette fois-ci. Donc ouvrez bien vos oreilles et bien sûr prenez des notes car il y aura un test de connaissances la semaine prochaine. Bonjour Médou, bonjour Médouce. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, puisque c'est ce que j'ai étudié à la faculté, c'est-à-dire l'histoire. Alors, l'histoire, on a tendance parfois à se demander pourquoi à l'école on apprend tel ou tel événement, et pourquoi ces événements sont restés importants dans l'histoire. Alors, moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un événement, de quelqu'un en particulier, qui pour moi est un excellent exemple de ce problème, du pourquoi est-ce que, encore maintenant, en 2020, on étudie encore ceci à l'école. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, grand personnage, personnage important. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi et comment cette jeune femme qui venait du petit village de Domrémy dans les Vosges et qui a marqué l'histoire de France dans un laps de temps très court, puisque elle n'est présente vraiment dans l'histoire de France que pendant 2 ans, puisqu'elle est morte brûlée vive à l'âge de 19 ans. Alors, vous connaissez tous cette histoire, hein. En 1428, cette jeune femme de 17 ans affirme qu'elle a reçu de la part de plusieurs saints la mission de délivrer la France de l'occupation anglaise. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi juste Jeanne d'Arc finalement est encore à marquer les esprits. Alors tout simplement, pour vous expliquer correctement, il faut revenir plusieurs années en arrière et vous expliquer un peu le contexte dans lequel Jeanne d'Arc arrive. Le roi de France, au moment de la guerre de Cent Ans, c'est Charles VI. Charles VI, c'est un roi qui est fou, puisqu'il a des crises régulières, il est sujet à des troubles psychiques. Et donc, il y a des moments d'intermittence entre le moment où il est malade et les moments où il est en rémission. Et ça dure pendant des années et des années et des années. Et donc, il y a des luttes de pouvoir pour la régence entre deux familles, les Bourguignons et les Armagnacs. Donc, profitant de ce conflit interne, le roi d'Angleterre, qui est à l'époque Henri V, relance les hostilités. Et donc, on a une grosse défaite française à la bataille d'Azincourt en 1415, où les archers gallois ne font qu'une bouchée de pain des Français. En 1419, le dauphin Charles et le bourguignon Jean sans peur se rencontrent sur le pont de Montereau en vue d'une réconciliation. Mais à ce moment-là, le duc de Bourgogne, Jean sans peur, est assassiné. Par qui? Pourquoi? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est le dauphin Charles, fils de Charles VI, qui est responsable? En tout cas, à ce moment-là, l'entente devient impossible et donc nous sommes encore dans des luttes internes, dans une guerre civile en plus d'être en guerre contre l'Angleterre. Alors, fort de l'appui bourguignon, les Anglais sont en mesure d'imposer le traité de Troyes qui est signé en 1420 entre Henri V, le roi d'Angleterre, et Isabeau de Bavière, reine de France et régente. Donc Isabeau de Bavière, femme de Charles VI le Fol et mère de Charles le Dauphin, futur Charles VII. Donc selon les termes de ce traité de Troyes, qui vise à une paix finale, Henri V devient le régent du royaume de France et il épouse également la fille d'Isabeau de Bavière et de Charles VI, Catherine de Valois. Et dans ce traité, il est stipulé qu'à la mort du roi de France Charles VI le Fol, la couronne de France reviendra à son gendre qui n'est autre que Henri V, roi d'Angleterre. Donc ce traité est fortement contesté par le dauphin Charles et en 1422, à la suite des décès successifs de son père Charles VI, roi de France, et d'Henri V, roi d'Angleterre, eh bien la dynastie des Lancastres revendique le trône d'Angleterre et de France en la personne d'un nourrisson de 9 mois qui est connu sous le nom de Henri VI, roi de France et d'Angleterre. Et évidemment, du côté français, le dauphin Charles s'autoproclame roi de France sous le nom de Charles VII, et donc la guerre se poursuit. C'est là qu'arrive notre Jeanne, notre petite Jeanne. Jeanne, une jeune fille très pieuse, hein, qui nous vient des Vosges, du petit village de Domrémy. C'est une fille de laboureur. Elle a ses premières révélations à 13 ans. Alors elle a tout eu, hein, on l'accuse... tour à tour de lesbianisme, de schizophrénie, de troubles bipolaires, d'hermaphrodisme, enfin bref, elle en entend des belles. Et c'est à 17 ans, hein, 17 ans que notre petite Jeanne affirme qu'elle a reçu de la part de plusieurs saints la mission de délivrer la France de l'occupation royale. Alors, Jeanne, qui est dotée d'un grand charisme, elle acquiert petit à petit une grande notoriété. Elle quitte évidemment très, très vite et sans demander l'avis à ses parents comme c'était coutume à l'époque. Elle quitte son village, elle va et elle monte. Hein, elle arrive petit à petit à être prise au sérieux. Elle revêt même des habits masculins. Elle se fait une superbe belle, super coupe au bol. Et finalement, elle arrive à Chinon où elle est autorisée à rencontrer le roi Charles VII. Alors déjà ça pour l'époque, c'est incroyable parce que c'est pas comme ça hein, qu'on arrive à rencontrer le roi de France. Et elle lui annonce 4 événements au roi. Elle lui annonce la libération d'Orléans, le sacre du roi à Reims, la libération de Paris et la libération du duc d'Orléans. Alors il faut savoir que vraiment c'est une force de la nature, Jeanne d'Arc, et elle arrive un peu pour l'époque comme par miracle à réaliser les 2 premiers événements, la libération d'Orléans et le sacre du roi à Reims. Les 2 événements s'enchaînent très vite, Charles VII est sacré, ça a un effet immédiat autant politiquement que psychologiquement, puisque Reims c'est au cœur du territoire des Bourguignons, et si vous avez suivi un petit peu, les Bourguignons ce sont les alliés des Anglais. Et en plus, Reims, c'est un lieu hautement symbolique puisque c'est le lieu de sacre des rois de France. Et sans sacre à Reims, vous ne pouvez pas être officiellement roi de France. Et donc là, on atteint un peu l'apogée de Jeanne d'Arc. Sauf que très vite, les conseillers du roi, qui sont évidemment que des mecs, hein, se méfient de son inexpérience et de son prestige et ils font en sorte de la tenir à l'écart des décisions militaires essentielles. En effet, Jeanne d'Arc, c'est un personnage qui est haut en couleur. De tous les témoignages qu'on a reçus plus tard, on nous dit qu'elle avait un énorme charisme, un grand charisme. Elle galvanise les troupes, elle leur redonne du cœur, elle redonne du cœur aux combattants, mais également aux populations locales. C'est une vraie chef de guerre, hein. Elle démontre de réelles compétences tactiques. C'est vraiment un personnage très particulier, avec une espèce d'aura autour d'elle. Elle arrive vraiment à rallier les gens. Alors, elle va assez vite tenter une attaque sur Paris, mais elle est blessée. Donc l'attaque est abandonnée et à ce moment-là, par manque d'argent et évidemment et également parce qu'il y a des dissidences au niveau de ses conseillers, le roi interdit tout nouvel assaut. C'est dans ce contexte que Jeanne d'Arc va être capturée à Compiègne le 23 mai 1430. À ce moment-là, elle va être vendue aux Anglais. Alors il y a certaines sources qui nous disent qu'elle aurait été proposée à la vente, si je peux le dire ça ainsi, au roi de France, mais qu'il aurait refusé de payer la rançon. Donc elle est vendue, donc capturée par les Bourguignons, elle est vendue aux Anglais, et donc c'est là que va s'ouvrir son procès à Rouen. Donc procès, donc elle est jugée évidemment par des docteurs, des abbés, enfin une belle bande de mecs. On lui reproche entre autres de porter des vêtements d'homme, d'avoir quitté ses parents sans qu'il lui ait donné congé, et surtout on lui reproche de se remettre systématiquement au jugement de Dieu plutôt qu'à celui de l'Église militante, c'est-à-dire l'autorité ecclésiastique terrestre, c'est-à-dire bien le pape, les abbés, les évêques, toute cette bande, finalement, une belle bande du patriarcat, hein, qui décide qu'une femme ne peut pas, que ce n'est pas possible, qu'une femme ne peut pas avoir des messages directs de Dieu, puisque c'est une femme, donc ça n'a pas de sens. Et donc elle est évidemment accusée par les juges, hein, qui estiment que ses voix sont en fait inspirées par le démon. Donc ce procès est conduit par l'abbé Cochon, et elle est reconnue coupable, entre autres, d'être apostate, menteuse, divineresse, errante en la foi, blasphématrice. Enfin bref, elle est condamnée à mort. Et donc on la condamne à être brûlée vive, et c'est pas juste brûlée simplement, hein. Non, on fait 3 incinérations pour éviter que la population récupère des ossements ou n'importe quelle chose qui pourrait servir plus tard de relique. Alors donc Jeanne d'Arc, hein, pourquoi est-ce que Jeanne d'Arc, on entend encore parler d'elle aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que cette jeune femme, entre ses 17 et ses 19 ans, elle a vraiment marqué l'histoire de France. Elle parvient à rencontrer Charles VII, à conduire victorieusement les troupes françaises contre les armées anglaises, à lever le siège d'Orléans, à conduire le roi au sacre à Reims, contribuant ainsi à inverser le cours de la guerre de Cent Ans. C'est vraiment un petit bout de bonne femme qui est impressionnante, vraiment. Il faut attendre quand même 1456. Alors elle meurt en 1431, il faut attendre 1456 pour avoir un procès en réhabilitation, puisqu'évidemment Jeanne d'Arc a aidé Charles VII à retourner au pouvoir, et donc il n'est pas possible pour le roi d'avoir été mis sur le trône par une hérétique, par une blasphématrice. Donc elle est réhabilitée en procès. Et il faut attendre le 19e siècle, hein, pour que la figure historique de Jeanne d'Arc réapparaisse. Elle devient l'incarnation de la résistance, elle devient une figure unificatrice très utile, notamment pour les partis politiques de l'époque, mais encore aujourd'hui, qui utilise le mythe de Jeanne d'Arc, qui utilise des images un peu déformées d'elle, hein, pour façonner aussi, eux, des calculs politiques et des enjeux de propagande. Donc Jeanne d'Arc, c'est un personnage haut en couleur, mais qui est important puisqu'elle a réussi à réinstaurer l'autorité politique, l'autorité royale de Charles VII à un moment où ça aurait pu basculer et nous aurions pu nous retrouver avec un régent anglais. Voilà, en plus d'être une figure féministe, je trouve particulièrement intéressante. Voilà, c'était l'histoire de Jeanne d'Arc, et maintenant vous saurez pourquoi est-ce que Jeanne d'Arc est toujours dans nos livres d'histoire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Chloé pour cette chronique très instructive. On arrive malheureusement à la fin de cette grâce matinale, donc merci beaucoup à tous les bons cons qui m'ont envoyé des chroniques si gentiment et qui permettent à la grâce matinale de continuer, car sans contenu, pas de grâce matinale. Avant de se quitter, comme à chaque fois, on va faire un petit jeu concours. J'ai trouvé que la proposition de jeu concours de la semaine dernière était plutôt rigolote et beaucoup plus simple à réaliser pour moi. C'est un gain de temps incroyable. Donc on va refaire la même chose pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Je vais diffuser un extrait de film à l'envers. Donc vous allez devoir aller sur le Discord pour me dire le nom du film et de quelle scène est issu cet extrait. Donc ce sera le plus rapide, hein, qui remportera bien sûr. Et j'accepterai uniquement les réponses sur le Discord. Donc connectez-vous au Discord et je veux le nom du film et l'extrait. Voilà, gros bisous à tous et bon week-end de Pâques. hausse de la tête au niveau de la de. Si va sortir ma main, je vais s'être peu. Et si qu'un me dîme, qui n'est qu'un monsieur sur une enfant, pourtant il bonjour. Et souffle pas mico, nous gustons, mal au doux, le cesti dans le jambe, le pas certain, mais râle jamais. Et il n'aime juste des savants, juste des fonds moques, comme si je mis dans le genre, je nous roule moi comme la défi. Ouh, ma kiff, c'est un jeu. Il va être sans être de jeu, il va être lanche, je serai mis du jeu, il va aller, je serai mis de jeu. Uf, mais je reste donc, bon, moi, je vais les idées de jeu que. Avec mon mort, mais la soirée s'en va. Ah, des ouvis. Ah, on rime le, et riche de jaffe, en reste que l'éteint le. Ah, pour de nom, frappe, c'est jouble. Stéphane, il faut chalou, la notre oxo, chalou, la notre oxo, ça m'est nu. J'en fous, quand il a zèle, le crise de ce, il rush qui s'est laissé. Ah, mais je suis assez joué, après vous pouvez ne jouer, on m'a marqué, je fais un malus dans ton mitangé de. Donc, quand il est dans Belsker, il joue, il va le jouer, il va m'amuser, il veut du sang. Non, il s'est fixé, il va me donner, me dégager, il n'a pas pour j'en ai la soupe. Il où va Benami? Où est-ce que c'est que le... Amir, ton six, non? Oui, c'est pas tout, mais ça arrive pas, laisse-le que moi je vais juste gaffe, mais votre... Morning on Radio Bonkon. La matinale du week-end. C'est la grâce matinale de Radio Bonkon avec Souk. Soukoline. Je m'appelle Soukoline.